Donc maintenant l'intervention, c'est Véronique qui nous parle de la justice des enfants depuis le 19e siècle et donc qui pose la question, une jeunesse dont il faut se protéger ou à protéger. Bonjour, je crois que je vais avoir du mal à m'asseoir. Si ça ne vous embête pas, je vais rester debout. Ma position assise sur le bitume, j'ai un dos qui n'est pas très d'accord. Voilà, alors je m'appelle Véronique et j'ai proposé effectivement de vous parler d'histoire et de vous parler d'une histoire très particulière qui est l'histoire de la justice des enfants en France. On a en France une justice des enfants qui est très spécifique, qui a été un modèle pour un certain nombre de pays en Europe depuis le 19e siècle et en particulier depuis 1945. Et ce que j'aimerais questionner avec vous, c'est si cette justice des enfants, dite très éducative, essayant d'être le moins répressif possible, de moins enfermer possible les enfants, a toujours eu ce credo-là. Et puis, comment cette évolution vers une justice des enfants spécifique s'est mis en place. Donc, c'est essayer, plus que de vous donner des dates, bien sûr, c'est pas du tout le sujet, plus que vous donner des noms, etc. C'est essayer qu'on réfléchisse ensemble à quel regard la société pose sur sa jeunesse. Et selon le regard qu'on pose sur les enfants, sur les jeunes, en particulier ceux qui vont le plus mal, quel type de législation, d'institution on va mettre en place pour les prendre en charge. En gros, mon hypothèse, c'est que plus les enfants et les jeunes font peur à une société, et plus on va les réprimer et les enfermer, moins une société fait peur à sa... moins une jeunesse fait peur à sa société, plus elle considère que la jeunesse est l'avenir d'un pays, et plus les institutions vont s'ouvrir et vont essayer d'aller vers un volet éducatif. Pour résumer très vite, sur 200 ans d'histoire, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de temps où les jeunes ont fait peur et beaucoup plus de temps où on les a enfermés que de moments où on a cru en eux, où on a espéré en eux et où donc on a ouvert les portes des institutions et les pratiques éducatives. En gros, on a connu 150 ans de maisons de correction pour à peine 30-40 ans de prise en charge éducative. Et c'est un peu ça, rapidement, je crois que j'ai un quart d'heure, hein, c'est ça à peu près 20 minutes, que j'aimerais vous raconter pour qu'ensuite on puisse en discuter ensemble. C'est une histoire, paradoxalement, qui est très très peu connue, l'histoire de la justice des enfants, l'histoire des maisons de correction, l'histoire des maisons de redressement, l'histoire du juge des enfants. Pourtant, on nous abreuve toute la journée de la question de la délinquance et de la délinquance des jeunes en particulier. Ça fait la une des journaux, on nous explique qu'ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus précoces, de plus en plus violents et qu'il faut absolument réagir. Ben, ça fait 200 ans hein, qu'on nous explique ça et ça fait, malgré une couverture médiatique extrême, ça fait aussi 200 ans qu'on connaît très mal ce qui est proposé aux mineurs, aux enfants, aux jeunes les plus en difficulté. Donc c'est ça que j'aimerais essayer de vous résumer assez vite pour qu'ensuite on puisse dialoguer, que je puisse répondre à vos questions, qu'on puisse voir ensemble où on en est aujourd'hui. Et l'histoire, ça rend très humble, hein, donc connaître l'histoire, ça permet pas forcément de ne pas répéter les erreurs du passé, mais peut-être que connaître un peu l'histoire, ça permet de mieux réfléchir à aujourd'hui et maintenant, et à se poser quelques questions pour demain. Et je sais aussi que Nuit Debout essaye de réfléchir à un monde... Meilleur, on va être le plus utopiste possible. Donc réfléchir à la prise des gens en charge des enfants, de ceux qui sont le plus en difficulté, essayer de voir ce qui s'est passé avant, ça permet peut-être d'avoir un maximum d'éléments pour réfléchir à demain. Donc, je vous ai dit, la justice, d'abord, ça n'a pas existé. Jusqu'au 19e siècle, il n'y a aucune différence entre la prise en charge des enfants délinquants et les adultes délinquants. Il a fallu que le concept d'enfant naisse dans nos réflexions pour qu'on puisse se dire que peut-être les enfants méritaient une forme de punition ou des formes d'institution différentes que celles des adultes. Pour résumer, jusqu'au 19e siècle, les enfants qui ont commis des actes de délinquance se retrouvent dans les cachots des adultes, au milieu des adultes, en même temps que les adultes, dans les mêmes conditions d'enfermement que c'est des adultes. Et c'est seulement avec le début du 19e siècle qu'on va commencer dans le code pénal à se dire qu'un enfant, c'est pas exactement un adulte et qu'il mérite peut-être, par exemple, des punitions moins importantes que celles des adultes. Et c'est comme ça qu'on va décider dans le premier code pénal, vous l'avez pas tous en tête, mais c'est 1810 le premier code pénal, on va décider de diviser automatiquement la peine de prison que subissent les adultes par deux s'il s'agit d'un enfant de moins de 16 ans. Parce qu'à ce moment-là, la majorité pénale, elle est à 16 ans. tout enfant de moins de 16 ans qui commet le même délit qu'un adulte sera puni de la peine divisée par deux par rapport à celle d'un adulte. Voilà comment on commence à réfléchir à la spécificité de la prise en charge des enfants. Puis on va se dire, non, l'incarcération des mineurs en prison ordinaire au milieu des adultes, c'est peut-être pas une très bonne chose. Pourquoi ? D'abord pour des questions d'hygiène, ensuite pour des questions dont on croit très fort à l'époque, de contagion du crime. Si on met des enfants avec des adultes, au milieu de brigands, ils vont devenir brigands, forcément. Donc il faudrait qu'on les sépare des adultes. Entendez-moi bien, écoutez-moi bien, je suis venue plusieurs fois à l'éducation populaire et j'ai entendu des témoignages sur la prison, sur les conditions d'enfermement aujourd'hui, etc. J'aimerais que vous ayez en tête, tous et toutes, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, que la France, en 1820, a décidé qu'il fallait absolument séparer dans les prisons françaises ordinaires les mineurs des majeurs. 1820. Cette loi, qui a été répétée à de nombreuses reprises et qui dépend donc du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, est à peine appliquée pour les jeunes garçons depuis les années 1990. 1820, 1990. Tout ce temps-là pour appliquer la loi et faire que les mineurs ne soient plus au milieu des majeurs dans les prisons françaises. Si je spécifie que c'est le cas des garçons, c'est parce que ce n'est pas encore le cas des filles. En 2016, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des jeunes filles mineures de moins de 18 ans sont enfermées avec des femmes majeures dans les mêmes prisons, dans les mêmes cellules, dans les mêmes couloirs de promenade. Donc vous voyez à quel point on a du mal au sein même de la justice des enfants, de l'administration pénitentiaire, à appliquer la loi. D'accord ? Donc c'est une volonté du début du 19e siècle, toujours pas en œuvre, aujourd'hui et maintenant, pour les mineurs, eux, de justice, qui sont enfermés dans les prisons françaises en même temps, parfois, que les adultes. Ça, c'est la première décision qu'on va prendre au 19e siècle, séparer les mineurs des majeurs. On va bien se rendre compte qu'on va avoir du mal à le faire et on va créer une première prison spéciale pour les enfants. Vous ne le savez pas tous, mais aujourd'hui, et c'est quand même aussi important de l'avoir en tête, hier, avant-hier, avant-avant-hier, il n'y a jamais eu en France un moment où les enfants n'ont pas été incarcérés. Il n'y a jamais eu de tentative de non-incarcération des enfants. Jusqu'à 1912, tout enfant, il n'y avait pas d'âge minimum, tout enfant pouvait être incarcéré. À partir de 1912, et c'est un âge qui est toujours d'actualité aujourd'hui, un enfant de 13 ans, c'est l'âge de ce jeune homme-là, hein, 13 ans, un enfant de 13 ans peut être incarcéré dans une prison ordinaire, d'accord ? Alors il sera incarcéré parce que c'est un garçon dans un quartier mineur, mais un quartier mineur à Fleury, à Bois d'Arcy, il sera dans une prison ordinaire, d'accord ? Il n'y a pas eu de moment où on a essayé de ne pas incarcérer du tout les enfants, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne, ce n'est pas le cas en France. Donc, on incarcère les mineurs dans les quartiers mineurs ou pas, et dès le début du 19e siècle, on va se dire que si on ne veut plus de la fréquentation majeure mineure dans les prisons, il faudrait peut-être inventer une prison que pour les mineurs. Et on imagine que cette prison aura plein d'avantages. Bon, d'abord, elle sera hyper moderne parce qu'elle est pour des enfants, et puis en plus, on fera tout pour qu'elle n'ait pas les inconvénients de la prison. Et on va créer cette première prison pour les enfants qui s'appellera la Petite Roquette et qui est pas loin, hein, qui n'était pas loin, rue de la Roquette. Il en reste strictement rien, un petit jardin, à peine une plaque. Et elle a pourtant existé de 1830 à 1930. Elle a vu passer des milliers et des milliers d'enfants qui ont été incarcérés dans cette prison d'un type très spécial. C'est une prison, les concepteurs le voulaient, extrêmement moderne. Ça vient des États-Unis. C'est moderne les États-Unis, non ? Ça vient des États-Unis et c'est un système cellulaire total. Les enfants sont enfermés chacun seul dans leur cellule. Ça n'existait pas auparavant. Le maître mot de la Petite Roquette, c'est silence total, solitude totale. Pas de contact entre les enfants. Jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. C'est-à-dire que tout va être organisé pour que les enfants soient 22 heures sur 24, mais je pourrais dire presque 24 sur 24, seuls, parce que même quand ils sont ensemble, ils sont seuls. La promenade. On invente des couloirs de promenade. Chaque enfant a son couloir de promenade unique. Et il ne peut pas voir, parce que le couloir est assez haut, il ne peut pas voir au-dessus du mur, donc il ne peut pas voir l'autre enfant en promenade en même temps que lui. La messe, obligatoire à la Petite Roquette. Comment faire pour mettre 500 détenus ensemble sans qu'ils soient ensemble ? Très simple. On crée un amphithéâtre avec des boxes. un enfant par box. Les enfants sont dans leur cellule, on va leur mettre une cagoule sur la tête. On va les faire avancer dans les couloirs de la petite roquette en tenant une corde, parce que quand vous avez une cagoule sur la tête, c'est pas simple hein, d'avancer tout droit. Et puis on les amène jusqu'à l'amphithéâtre, et dans l'amphithéâtre, chaque enfant rentre dans un box. Dans le box, vous voyez pas à droite, vous voyez pas à gauche, vous voyez pas au-dessus. Par contre, les adultes, eux, voient tout le monde, puisque l'amphithéâtre est comme des gradins. Vous imaginez un peu ? C'est difficile hein, sans image, mais les enfants... sont à la vue de tous les adultes, mais les enfants ne communiquent absolument pas entre eux. Silence, isolement, sont les clés à l'époque de la rédemption. Quelqu'un comme Victor Hugo, c'est pas le plus grand des réactionnaires quand même, hein. Quelqu'un comme Victor Hugo, au début de la petite roquette, va considérer que c'est un véritable progrès que cette petite roquette par rapport à ce qui existait avant. On va mettre énormément de temps à se rendre compte de la violence produites sur des enfants de 5, 7, 10 ans qui vont se retrouver dans ces conditions de l'incarcération. Il faut attendre 1930, 100 ans, 1930, pour faire fermer la petite roquette aux enfants. À partir des années 1850, certaines voix vont s'élever sur ce système de la détention pour tous les enfants, pour ce système de l'isolement total à la petite roquette. Et on va inventer, pour 100 ans encore, un nouveau lieu de la prise en charge. On n'annulera jamais la prison, il y aura toujours des enfants en prison, mais on invente un deuxième pilier de la justice des enfants en 1850 qui s'appelle la maison de correction, dressement, qu'on appellera dans les années 50 l'internat et qu'on appelle aujourd'hui le foyer. D'accord ? Tout ça a une grande pérennité dans l'histoire. En 1850, on invente en France les maisons de correction. Qui met-on à la petite roquette ? Qui envoie-t-on en maison de correction ? Je vous ai dit d'abord au départ, il n'y a pas de minimum d'âge. Tout enfant qui pose problème. Qui sont les enfants qui posent problème ? À votre avis, qui sont les enfants qui posent problème ? Les pauvres, c'est ça ? Ah ouais, les pauvres, ça a toujours posé problème. On va parler des classes laborieuses, classes dangereuses, d'accord ? La classe populaire, la classe ouvrière qui est en train de naître au XIXe siècle, les habitants des villes, les plus pauvres, vont ceux qui vont faire le plus de peur à l'ensemble de la société. Donc oui, c'est bien les enfants des classes populaires, des classes urbaines, qui vont être visés par cet embryon de justice des enfants. Mais il faut quand même quelque chose pour parvenir à les enfermer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple ? Bah, par exemple, ils se sont tenus mal à la maison. Et il y a une loi qui autorise un père à demander l'enfermement de son enfant. Ça s'appelle la correction paternelle et que ça existera en France, écoutez-moi bien, jusqu'en 1958. Certains d'entre vous connaissent peut-être, pour les moins jeunes on va dire, François Truffaut. Hein, le cinéaste François Truffaut, le film Les 400 coups, bah François Truffaut, il est envoyé en maison de correction en 1948 pour mécontentement de sa famille dans le cadre d'une correction paternelle. D'accord ? Donc c'est une très longue vie, hein, cette histoire de la correction paternelle. Donc tout enfant qui pose problème, pour qui on a de graves mécontentements. Qui d'autre ? Les tout petits délinquants. D'accord ? Les petits voleurs. Les petits voleurs mineurs, la justice doit se poser la question de savoir s'ils sont conscients ou pas conscients de ce qu'ils ont fait quand ils ont commis le vol. S'ils sont conscients, on dit, désolé du terme, il est un peu technique, mais il est important, on dit qu'ils sont discernants. Et donc ils sont coupables, et donc ils sont envoyés à la petite roquette. Comme c'est des enfants, ils sont envoyés la moitié du temps, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, que celui d'un adulte. Un vol de bicyclette, c'est à peu près un mois de prison pour un adulte à l'époque, ça fait 15 jours pour un enfant. D'accord ? Mais il y a aussi des enfants qui volent des bicyclettes et qui vont être considérés comme non discernants. Ils n'avaient pas bien conscience de la gravité de ce qu'ils faisaient. La justice, qui de plus en plus veut faire attention aux enfants, va dire, donc dans les années 1850, lui, il a volé une bicyclette, mais c'est pas vraiment de sa faute. Son père, c'est un alcoolique. Il est misérable. Il vit dans la rue. On ne va pas considérer qu'il est coupable. Il est acquitté pour avoir agi sans discernement. Mais il faut le redresser, il faut le corriger. Il a une très mauvaise famille, il a un très mauvais environnement. On va l'envoyer à la petite roquette jusqu'à 21 ans. Il est non coupable, mais il a besoin d'être corrigé. Et donc, il est envoyé pour longtemps, parce qu'on a besoin de temps pour le corriger. Tant qu'on a que la petite roquette, on envoie la petite roquette. À partir du moment où on va inventer les maisons de correction, on va l'envoyer, et ça va être un des grands publics des maisons de correction, dans les maisons de correction. Parce que là, on pense qu'il va bien pouvoir être redressé. D'accord ? Et donc, les maisons de correction sont remplies d'enfants de la correction paternelle, d'enfants non coupables, acquittés, mais qu'il faut redresser, et des petits vagabonds qui font très peur, hein, à la bonne bourgeoisie française. Gavroche, le poing en l'air, hein, les barricades. Tous ces enfants des rues peuvent être des graines de crapules, des graines politiques, des ancêtres de Nuit Debout. Et donc, il faut absolument pouvoir les contrôler, les enfermer, les écarter. Et on va envoyer tous ces enfants dans les maisons de correction, telles qu'on va les imaginer dans les années 1850. C'est quoi une maison de correction ? C'est un très grand château, une très grande demeure, en plein milieu de nulle part. Pour vous donner une idée, la Motte Beuvron. Encore aujourd'hui, c'est un peu au milieu de nulle part. Donc imaginez en 1850, hein, c'est, il n'y a pas de ville à moins de 30-40 km. Très grand bâtiment. On y réunit entre 300 et 800 enfants pour des durées moyennes de placement de 7-8 ans. En gros, vous y rentrez à 13 ans, vous en sortez à 21 ans, vous y rentrez à 8 ans, vous en sortez à 21 ans, vous y rentrez à 16 ans, vous y sortez à 21 ans. D'accord ? Des collectifs extrêmement importants et l'administration pénitentiaire qui est là pour gérer le quotidien. Un quotidien fait, Foucault, Michel Foucault a dit que la maison de correction, c'était la quintessence du régime disciplinaire. L'armée, l'école, l'église et la prison. Tout ça dans un même endroit, avec des enfants qui ont entre 5 ans et 21 ans, pour des durées de placement moyens de 7-8 ans. Aucun contact avec l'extérieur. Plus aucune relation avec votre famille. Pas de courrier autorisé. Pas de visite autorisée. Pas de sortie autorisée. C'est-à-dire que les historiens retrouvent dans les dossiers des jeunes gens placés des lettres envoyées aux parents ou des lettres reçues des parents qui disent « Maman, papa, je sais, j'ai pas été sage ». Mais ça fait deux fois que je t'écris et tu ne m'as toujours pas répondu. S'il te plaît, donne-moi des nouvelles. Et dans le même dossier, mon petit loup, pourquoi tu ne me réponds pas ? Je t'ai déjà envoyé plusieurs colis et jamais je t'ai de tes nouvelles. J'espère au moins que ça va bien. Ce qui montre de manière très forte qu'il n'y a absolument aucun contact possible entre ces enfants et leur famille, parfois pour des années. Et je suis désolée de faire dans un peu le mélo, hein, mais c'est quand même, il faut l'avoir en tête parce que c'est des enfants, des vrais enfants qui l'ont vécu. Certains enfants vont mourir dans les colonies agricoles pénitentiaires. Le taux de mortalité est extrêmement important au vu des conditions proposées à ces enfants. Certains enfants meurent et ils sont enterrés dans la colonie et leurs parents sont parfois avertis qu'un an ou deux ans plus tard de la mort de leurs enfants. Pourquoi ? Parce que la famille est considérée comme mauvaise, parce que la famille n'est pas une bonne éducatrice et parce qu'il faut absolument donner aux familles une nouvelle famille. D'accord ? Les colonies agricoles pénitentiaires, ce régime disciplinaire, ce régime de la surveillance, ce régime exactement à l'inverse de ce qu'on vient d'entendre, hein, on n'y est pas libre, libre de rien. On est en activité permanente, 17 heures par jour dans la terre, hein, parce qu'on pense que c'est la terre qui va ressourcer ses enfants, la ville les a pervertis, la terre les rendra à leur innocence, et on les fait travailler la terre entre 14 et 15 heures par jour. Leur scolarité, ce n'est absolument pas la priorité. Et donc, ce régime va se durcir au fil du temps. Parce que de la notion d'innocent coupable du début du 19e siècle, on va passer à la fin du 19e siècle à l'idée des criminels nés. Les enfants, les délinquants, les criminels sont nés comme ça. Ils ont ça dans leur sang. Et un médecin qui s'appelle Lombroso, par exemple, va démontrer, soi-disant, qu'il y a une hérédité du crime et qu'on peut regarder les gens et savoir exactement si un jour ils seront criminels ou pas et quel type de criminels ils seront. Si vous avez ça en tête, si vous pensez que les enfants naissent criminels, vous imaginez bien que des mots comme corriger, redresser ne sont plus du tout d'actualité. Il faut punir, il faut enfermer, il faut s'en protéger. Et la période la plus noire des maisons de correction commence dans les années 1880 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire que là, vraiment, on atteint le pire moment de la prise en charge des enfants de justice. Il faut que vous imaginiez, par exemple, que le mitard, le cachot, devient le lieu central de la maison de correction. Et donc, on met les capuches. Le lieu central des maisons de correction, au mitard, on sent pas la pluie, mais on sent le froid, on sent le chaud. Toute petite pièce, les enfants n'ont aucun endroit pour se coucher. Le matelas n'est donné qu'en toute fin de journée. On leur apporte de la nourriture une fois tous les 4 jours. On est dans les années 1880, c'est la Troisième République, hein, jusqu'aux années 1939, je vous ai dit. Waouh, ils sont pas contents là-haut. Donc, j'essaye de continuer encore 5 minutes. Tout ça est fait au nom de Dieu, hein. La question du bien, du mal, du péché est au cœur des maisons de correction. Au mitard, un ancien nous a raconté qu'il y avait écrit « Dieu te voit ». Alors là, je sais pas, mais... et donc, le mitard. Jusqu'à 60 jours, on peut enfermer un enfant au mitard. On lui donne très peu à manger. Et parfois, si au mitard, il ne respecte pas la règle du mitard, alors il est enfermé dans une camisole de force. On va peut-être faire une pause, non? Moi, j'ai un parapluie, mais pour les autres... Ouais, mais là, c'est un peu... Hein? On continue. Alors, si on continue habituellement, on continue aujourd'hui aussi. C'est bien moins pire que les conditions des enfants dans les maisons de correction. Donc, un mitard utilisé, surutilisé, à la fois pour les garçons et pour les filles, même si filles et garçons sont séparés. Les filles, elles, ne sont pas prises en charge dans des maisons de correction à part entière. Elles sont chez les sœurs, dans des congrégations religieuses. Elles vont aussi au mitard et elles sont aussi privées de nourriture pendant de... Il y a un parapluie, là. Je vais peut-être donner un parapluie à... Non, bah tant pis. Non. Il y a un parapluie, là, fouille. Ces maisons de correction ne poseront pas de problème à la société en général jusqu'aux années d'après Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une réaction du corps social vis-à-vis de la maltraitance des enfants dans ces maisons de correction, il faut attendre le drame de la Première Guerre mondiale. En 1918, au retour de la Première Guerre mondiale, après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, à partir du moment où on se rend compte qu'on a besoin des enfants pour repeupler la France, que sans enfants, on ne parviendra pas à recréer les richesses de la France, alors le regard social des adultes va diamétralement changer concernant les enfants délinquants et les modes de la prise en charge des enfants délinquants. On va, à partir des années 20, avoir une opinion publique qui va fortement se sensibiliser au sort des enfants enfermés, à partir en particulier d'un événement qui a lieu à Belle-Île-en-Mer. On est à Belle-Île-en-Mer en 1934, c'est l'été, il fait beau, et les enfants sont à table, et le règlement est extrêmement... C'est fantastique, hein. Et le règlement est extrêmement précis, je vous l'ai dit. Donc les enfants n'ont pas le droit de manger leur fromage avant leur soupe. Il y a un enfant qui a très faim. Il arrive à table et il se jette sur son fromage avant sa soupe. Il se jette sur son fromage avant sa soupe et il est puni, envoyé au mitard. Deux gardiens l'attrapent, le frappent et ça va provoquer une terrible révolte à Belle-Île-en-Mer. Les 400 enfants vont se révolter. Ouais, ça fait du bien. Ils se révoltent, ils cassent tout. Ils frappent les gardiens et ils arrivent à s'enfuir. Mais je vous ai dit qu'on était où? Vous suivez? Belle-Île-en-Mer. C'est pas simple, hein, de s'enfuir de Belle-Île-en-Mer. Ils vont sauter à l'eau, ils vont se cacher dans la campagne, mais très vite, on va lancer la chasse aux enfants de Belle-Île-en-Mer. C'est-à-dire que comme dans toutes ces colonies, dans toutes ces maisons de correction, dès qu'il y a un enfant qui s'évade, on demande à la population autour d'aller les récupérer. Et si on récupère les enfants, on a le droit à une prime, à une récompense. tous les enfants de Belle-Île sont ramenés à la colonie en moins de 48 heures. Sauf que cet été-là, à Belle-Île-en-Mer, il y a Jacques Prévert. Et Jacques Prévert est absolument abasourdi par cette chasse à l'enfant à laquelle il assiste. Il va écrire un poème, devient une chanson. Bandits, voyous, voleurs, chenapans, mais quels sont ces hurlements? C'est la meute des braves gens qui part à la chasse à l'enfant. Et donc, ce poème, cette prise de parole de Jacques Prévert va lancer une énorme campagne de presse contre les bagnes d'enfants. Et il va falloir 10 ans pour que l'opinion publique, le gouvernement, accepte la fin des maisons de correction. Et ensuite, il va falloir 1945 et le contexte de 1945 pour qu'on écrive enfin une justice des enfants qui mette en avant le primat de l'éducatif sur le répressif. Je crois que j'ai tenu mes 20 minutes. Je suis absolument estomaquée qu'il y ait encore au moins plus de 10 personnes devant moi. Je vous remercie beaucoup. Et je ne sais pas ce que vous proposez, mais... Tant qu'il y a du monde, si quelqu'un... Tant qu'il y a du monde, si quelqu'un a une question à poser, je ne sais pas. T'en as une ? Attendez, je vais juste chercher un parapluie. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire, enfin, est-ce que vous savez d'ailleurs ce qui a fait penser aux gens pour la première prison pour enfants qu'il fallait les isoler les uns des autres à ce point? Oui, on a des textes hein, qui nous expliquent pourquoi l'isolement est absolument important. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point la religion avait un rôle à jouer. Il s'agit de la rédemption. Et on pense que par l'isolement, par le retour sur soi, hein, par le fait de réfléchir à qui on est, à ce qu'on a fait, on va réussir à obtenir de ces enfants une forme de, à la fois de culpabilité et de retour sur sa culpabilité. Ensuite, on a très très peur, parce qu'on est très habitué au collectif dans les prisons, on a très très peur d'une contamination du crime. Et donc on pense que l'isolement prévient la contamination. Il vaut mieux qu'il soit seul, complètement seul, sans aucun mauvais exemple autour, parce que comme ça, je suis désolée d'employer le terme, hein, mais c'est un peu le terme de l'époque, on les régénérera. Hein. Donc c'est une des raisons, plusieurs raisons qui expliquent cette séparation absolue entre les enfants et les adultes à la petite roquette, hein, qui sera une réalité pendant plus de 60 ans. Puis la petite roquette, au bout de 100 ans, fermera ses portes et deviendra la prison pour femmes de Paris, hein, où on les mettra, elles aussi, moins à l'isolement, mais quand même souvent à l'isolement, et on utilisera cet amphithéâtre encore pour les femmes jusqu'aux années 1950-1960. Il y a d'autres questions ? Je voulais savoir si vous savez le pourcentage de gens qui devenaient fous à la petite roquette. Ouais, c'est difficile comme question. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas les archives suffisantes pour le savoir. En revanche, on est tenté de vous dire tous. Hein. Il est très difficilement imaginable aujourd'hui de penser qu'un enfant peut ressortir sans séquelles d'un tel tour. Ce qu'on sait, c'est que les enfants ne vont pas pouvoir se révolter collectivement, puisqu'ils sont toujours seuls. Hein. Et c'est extrêmement pratique pour la prison, la non-possibilité d'un collectif qui se soulève. Donc, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas avoir une violence collective. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, une violence contre soi-même. Hein. Donc, on va avoir beaucoup d'indices d'enfants qui vont retourner la violence contre eux-mêmes avec des scarifications. Avec des enfants qui arrêtent de s'alimenter, avec réellement des enfants qui arrêtent de communiquer et avec des enfants qui font des tentatives de suicide ou qui parviennent à se suicider. Hein. Et donc il y a un taux de mortalité extrêmement important à la petite roquette. On manque d'archives pour faire une étude plus poussée, hein, parce que sans archives, l'histoire est complexe. C'était il y a longtemps et qu'on a peu de témoignages. Mais c'est ça que je peux le mieux vous répondre, même si je vous donne pas de chiffres. En même temps, vous savez, les chiffres en matière de justice, il faut toujours se méfier. Hein. Ils disent des choses qui ne sont pas forcément une réalité, mais plutôt une photographie à un moment donné de quelque chose. Il y a d'autres questions ? Messieurs et mesdames les courageux. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les prisons pour tout le monde ? Alors, c'est pas moi qui vais répondre à la question, hein, puisque moi, là, je suis vraiment ici plutôt pour vous raconter et pour vous faire réfléchir et pour vous donner des éléments pour réfléchir. Ce qui est sûr, et je vous invite tous à essayer de lire, relire Michel Foucault, hein, c'est à quel point le 19e siècle a mis en place la seule pénalité possible, la pénalité de l'enfermement et de la prison. La prison est devenue, dans nos systèmes européens, le mode unique de la punition. La prison, au départ, elle est pensée non seulement pour punir, elle est pensée aussi pour protéger la société, mais elle est pensée normalement aussi pour réinsérer les personnes détenues, volées, qu'on a régulièrement, voire en permanence, oubliées. Hein. Et la prison est devenue aujourd'hui, je crois, un lieu de la relégation, un lieu de la grande violence. Et pour ce qui est des enfants, qui est le domaine que je connais le mieux, la prison est avant tout un lieu qui socialise à la prison. C'est-à-dire que ce que les mineurs, les adolescents apprennent en prison, c'est à s'adapter aux règles de la prison. Et je ne suis pas sûre que ce soit la philosophie ni l'angle qu'on prend. On veut remettre des enfants dans le chemin des adultes, dans le chemin de la société, de la citoyenneté. Donc abolir les prisons, on peut en rêver, je crois qu'on n'y est pas encore, puisqu'on n'y arrive même pas pour les enfants. Il y avait une question ? Ah, il fallait que je mette plus près de... Mais bonjour, mais je crois que dans la société actuelle, il y a des lois qui sont plus fortes que les parents. Ça veut dire qu'ils empêchent des parents d'éduquer les enfants. Mais des fois, même les enfants qui font porte-plainte contre les enfants parce qu'ils sont plus sévères avec eux et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez à cette situation ? Si j'ai bien compris la question, et quelle autorité pour les parents ? Et est-ce que la justice peut avoir plus d'autorité que les parents eux-mêmes dans le cadre de l'éducation des enfants ? C'est une question complexe. Hein. À travers l'histoire, l'histoire, depuis 200 ans, a été une forme d'histoire qui diminue l'autorité des parents au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que l'autorité du père, en tout cas, était totale jusqu'au 19e siècle. Et la loi, la justice, est venue petit à petit diminuer ce pouvoir total, presque de vie et de mort, du père sur ses enfants. Ce qui fait aussi qu'à un certain moment, et c'est ce que j'ai essayé en quelques mots de vous raconter, que parfois, on a oublié l'importance d'une famille, de parents, pour des enfants. Même des enfants de classe populaire, même des enfants qui peuvent vivre parfois dans des contextes de violence, c'est leur famille, c'est leurs parents. Et toute la politique des années 1850 aux années 1960, on va dire, a mis entre parenthèses certains parents, hein, en prenant le parti de remplacer les parents, en pensant que remplacer les parents, c'était une bonne solution éducative. Les années 70 sont venues mettre un bémol fort à cette question-là, et on essayait de remettre en tout cas du lien entre les institutions et les enfants. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que chacun trouve sa place, pour que les enfants à la fois se sentent protégés quand ils sont en difficulté dans leur famille, mais qu'en même temps les institutions ne se pensent pas toutes puissantes continuent le lien familial, hein, même s'il est parfois plus ténu, entre les enfants et les parents, parce que l'institution ne sera jamais les parents et la famille de l'enfant, et c'est très délicat, hein, ce maillage à faire, mais extrêmement important, totalement oublié, pas pensé, pas réfléchi, nié jusqu'aux années 1970 en France. Est-ce qu'il y a d'autres... Même si les conditions des enfants sont moins pires actuellement en prison, est-ce que ce sont réellement améliorées ? Alors c'est une très bonne question. Il n'y a plus de maisons de correction et de colonies agricoles pénitentiaires en France depuis 1945. Je pense que les enfants placés dans les internats de la justice des enfants dans les années 50 et 60, non seulement je le pense, mais on me l'a raconté, et des témoins m'ont raconté, des anciens jeunes, hein, si j'ose dire, étaient encore très terrifiantes et très difficiles. Et je pense que les enfants, eux, se sont pas rendus compte qu'il n'y avait plus de maisons de correction en France hein, dans les années 50 et 60. Le tournant du tout éducatif, du plus éducatif, de l'accompagnement, de la prise en charge plus individuelle. Je le redis, mais c'est important, c'est les années 70. Hein, et les éducateurs dans les années 70, et je pense que certains marchent dans Nuit Debout, ils ont aujourd'hui 65, 70 ans. Hein, et ces éducateurs-là, en gros, si je veux être un peu caricatural, ils se voyaient éducateurs avec dans une main le capital de Karl Marx et dans l'autre surveiller et punir de Foucault. Et ils essayaient à la fois de dire et de faire en sorte de ne plus être des agents du contrôle social, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'ils parlaient. Et donc ils ont vraiment essayé, pas toujours avec succès, de bouleverser, de modifier à la fois le regard posé sur ces enfants et la forme de prise en charge proposée à ces enfants. C'était moins compliqué qu'à certains moments, puisque les années 70, c'est les 30 glorieuses, la France va bien, la France est en plein emploi, la France n'a pas trop peur de ses jeunes, donc c'est pas si compliqué. Pour répondre quand même à votre question, j'y vais, je sais, je suis historienne, j'ai du mal avec le présent, mais j'y vais quand même. Pour répondre à votre question, je pense que à partir des années 90-2000, le regard social a changé. Et on a eu à nouveau très peur de nos enfants. Surtout les enfants qu'on a du mal à admettre comme nos enfants. Vous savez, les jeunes de banlieue, vous savez, ceux qui, soi-disant, sont des étrangers, alors qu'ils sont nés en France de parents français, et qu'on continue hein, à les marquer comme une population, soi-disant, immigrée. Ils sont plus français que moi. Alors certes, je m'appelle Véronique, je vous donnerai pas mon nom, puisque c'est la tradition de pas donner son nom, mais je vous jure qu'il est bien français. Et pourtant, mes deux parents ne sont pas nés en France. Certains de ces enfants, hein, qu'on pointe du doigt comme étrangers, sont plus français que moi. Ils sont nés en France de parents français, ils sont rien d'autre que français, même si leur histoire hein, est faite de plein d'histoires. Ces enfants vont être, j'ose le dire, les boucs émissaires hein, de la crise économique, sociale de la France. Ils vont devenir ceux qui nous font peur, ceux dont il faut se protéger, ceux qu'il faut écarter et ceux qui vont enfermer. À partir du milieu des années 2000, on va modifier l'arsenal de la prise en charge des mineurs de justice. On va revenir à des foyers fermés, ça s'appelle des CEF et que ça existe toujours en France. On va revenir à des prisons spécifiques pour les mineurs, ça s'appelle des EPM et ça existe toujours en France. On va baisser l'âge de la minorité majeure pour certains enfants, qu'on va juger comme des adultes dès l'âge de 16 ans si ils sont en état de récidive. Et on va fortement revenir sur toute la philosophie de 1945 et des années 70. Alors non, les foyers d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux maisons de correction d'hier. L'histoire ne se répète jamais absolument de la même manière. Mais je pense que la détention, par exemple, hein, des mineurs aujourd'hui est extrêmement problématique et parfois totalement hors du droit et de la législation. Il est, pour revenir au début, hein, pour faire une boucle, il est quand même absolument hallucinant d'imaginer qu'aujourd'hui en France, des mineurs, jeunes filles de 14, 15, 16 ans sont enfermées dans des prisons avec des adultes, au milieu des adultes. C'est-à-dire qu'on enferme dans les mêmes cellules une jeune fille et une femme hein, qui a un acte grave de délinquance. Et ça fait rebondir sur autre chose, hein, sur cette histoire des filles, comme si une délinquante femme serait moins dangereuse et plus maternelle hein, qu'un délinquant homme, ce qui pose quand même là aussi beaucoup de questions sur notre regard social de ce domaine. D'autres ? Bonjour. Moi, j'aimerais savoir la responsabilité de parents dans tout ça. Et est-ce que vous... ce n'est pas quelque part la charge de parents de laisser les enfants de faire ce qu'ils veulent et devant le père de la justice. Et comme disent certains, les enfants rois. Et... Les enfants rois. Encore une autre histoire. Alors, déjà, une première chose que j'aimerais que vous ayez en tête tous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de confusion. En France, la législation ne peut absolument pas punir un parent à la place d'un enfant, d'accord ? Au pénal, hein, si un enfant commet un vol, ça peut pas être ses parents qui sont responsables du vol de cet enfant. C'est lui qui pénalement, individuellement, répondra de son vol devant le tribunal, d'accord ? Ensuite, comment je peux le dire en essayant d'être le moins polémique possible ? Ce que vous venez de dire est un refrain qu'on entend depuis le début du 19e siècle. Les parents font mal leur travail. Les parents sont de mauvais éducateurs. Les parents préfèrent aller boire au bistrot que s'occuper de leur enfant. Les parents aiment trop leur enfant et les laissent tout faire. Les parents. Je pense que c'est nettement plus compliqué que ça, hein, et que certains parents traversent des difficultés qui font qu'à certains moments, effectivement, l'encadrement, l'accompagnement, l'épanouissement de leur enfant est compliqué à mettre en place. Ils ne sont pas coupables, ils sont juste en difficulté, multi-difficultés, difficultés sociales, difficultés de travail, difficultés psychologiques, difficultés médicales, multi-difficultés. Et si on ne fait que dire « c'est de leur faute », sortons les enfants de là et faisons mieux qu'eux, je pense qu'on n'apporte pas de solution. En tout cas, ça a été longtemps tenté et ça a montré ses limites. Si en revanche, on essaye de mettre en place un accompagnement des enfants, des parents, du voisinage, si pas à pas, on suit ce qui se passe, alors on arrivera au... Réellement, je le pense, hein, je ne dois pas dire ce que je fais, mais bon, voilà, je le pense... intimement et professionnellement, un accompagnement éducatif sur le long terme, dans quelque chose d'extrêmement positif, peut permettre à des enfants et surtout à des parents de reprendre leur place de parents. Je ne crois pas non plus au mythe de mai 68 qui a laissé tout partir à volo, hein, et que depuis mai 68, plus rien n'est possible et que tous les enfants sont laissés libres sans limite, hein. Mais je pense... effectivement, que donner un cadre à des enfants, donner des règles, donner des pistes, c'est très important pour leur construction. Et c'est ça qu'on peut essayer de faire en accompagnant les parents dans leur éducation, en essayant le moins possible de les disqualifier, parce que c'est pas si simple, pour ceux qui sont parents ici, d'être parents, je vous assure, tout le monde traverse un certain nombre de questionnements quand les enfants grandissent. Même quand ils sont tout petits d'ailleurs. Est-ce que l'élitisme en France ne contribue pas à la marginalisation et donc de la délinquance Le système scolaire ne devrait-il pas être changé pour pouvoir accompagner mieux les enfants et ne pas les laisser à l'abandon ? Super question. On se rend compte, les travaux des sociologues montrent que une des premières causes de la délinquance, de la violence, des difficultés des adolescents, c'est leur décrochage scolaire. C'est à l'école que ça commence. Et c'est à l'école que ça commence parce que c'est à l'école que ces enfants ne trouvent plus de leur place. Ils n'arrivent pas à suivre, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à être reconnus, hein, dans ce qu'ils sont, avec les difficultés, pas toujours les difficultés d'ailleurs, hein. Parfois on a juste des modes qui font qu'on va plus doucement, qu'on est plus intéressé par ça que par ça, que passer 8 heures par jour assis sur une chaise à écouter monsieur le professeur ou madame la professeure, ça va bien, mais bon, ça a des limites, que on n'est pas tous formatés à se faire humilier 8 heures sur 8, etc., etc. Bref, pour les enfants, un des symptômes qui les mène ensuite, hein, soit dans la très grande souffrance, fugue, tentative de suicide, ou, et c'est la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a eu souvent le réflexe en France de séparer enfants victimes, enfants coupables. En tout cas, tous les moments où les enfants nous font peur, on sépare enfants victimes, enfants coupables. Il y a ceux qui sont en danger, qu'il faut protéger, puis il y a ceux qui font des actes de délinquance, qui sont violents, etc., dont il faut se protéger. Quand on les connaît, ces enfants, c'est les mêmes. Sauf qu'ils ont des modes, des symptômes différents. Vous allez mal, bah certains vont fuir, vont fuguer, vont déprimer, vont faire des tentatives de suicide. Vous allez mal, et d'autres vont s'en prendre aux autres, voler... Il y en a, voilà. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et ces mêmes-là, souvent, c'est à l'école que ça démarre, hein. Cette impression de plus avoir de place à l'école, de pas toujours avoir sa place à la maison, va favoriser effectivement la mise en difficulté. Vous avez totalement raison, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout au moment du collège, à mon avis, pour ce qui est de la scolarité des enfants. En fait, bonsoir, j'ai pas tout suivi, je viens d'arriver avec la pluie, il y a trop, il va et vient. En fait, je voulais juste vous poser quelques questions parce que les cinq dernières minutes que j'ai entendues, c'est ce que vous dites, il y a des enfants à 14 ans qui sont en prison et normalement, c'est pas leur place et qu'on sort. Et moi, plusieurs fois, j'ai assisté à des gamins de 12 ans qui voient des mamies de 80 ans qui les tirent leurs chaînes, et ou bien quand je rentre chez moi, je vois des gamins qui agressent des filles dans le RER et tout, et moi je me demande, je dis pas que la législation française elle est meilleure, mais par rapport aux pays anglo-saxons, en Amérique par exemple, un gamin de 14 ans qui fait ça, il y a un jury populaire qui décide est-ce que l'enfant peut être jugé majeur, et s'il est jugé majeur, il peut prendre perpète ou peine de mort. Ça, on espère que ça va pas arriver ici, mais moi, pour moi, un gamin de 12 ans, 13 ans qui s'en prend à une personne de 80 ans ou qui agresse des personnes parce qu'il se semble beaucoup plus faible, je pense pas. Sa place aussi, c'est dans la société. Alors, je vais peut-être pas être la seule à réagir. Voilà, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. C'est vraiment au cœur de la problématique de ce que j'ai vous raconté. Hein. Quelle perception on a de la violence, de la délinquance des enfants. Pour vous répondre, même si j'ai très peur des chiffres, hein, ce que vous décrivez là, hein, des enfants de 12, 13 ans, extrêmement violents, c'est 0,003% des statistiques globales de la délinquance en France. D'accord ? Donc c'est extrêmement minoritaire. Premièrement, je ne sais pas si vous savez, si on prend même les plus grands, un autre chiffre, hein, juste pour vous éclaircir les idées par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Les enfants criminels de moins de 18 ans, hein, qui sont criminels, d'accord ? Donc, qui ont fait des actes criminels. C'est combien d'affaires par an, à peu près, à votre avis ? Combien il y a d'enfants criminels jugés chaque année ? 16 dans toute la France pour une année. Combien il y a d'enfants qui font des tentatives de suicide ? Il y en a combien qui se tuent parce qu'ils ont fait des tentatives de suicide ? 1000. 16 1000. D'accord ? Alors, voilà, ça c'est aussi hein, pour qu'on essaye de se remettre un peu les idées en place. Est-ce que parce que vous allez envoyer un enfant qui a agressé une vieille dame, c'est très mal, je dis pas le contraire, c'est très grave. Hein. Est-ce que, parce que vous allez l'envoyer en prison, vous allez le régler le problème de cet enfant ? Est-ce que quelque chose vous dit qu'en sortant de la prison, il va être en mesure de ne pas agresser pas une, mais 2, 3, 10 dames ? Hein, parce qu'il aura appris des choses dans le cadre de la prison qui vont augmenter souvent, et c'est ce qu'on voit, sa violence, sa réaction vis-à-vis de la société en général. Il semblerait, mais vous l'avez un peu dit, mais heureusement aujourd'hui en France, il n'y a plus de maison de correction, il n'y a plus de centre de correction. Il y a par contre, effectivement, et c'est quelque chose que le grand public voit très peu, il y a tout un maillage de la justice des enfants qui propose de l'accompagnement éducatif, qui propose des placements quand vraiment rien d'autre n'est possible, et qui fait en sorte... Mais c'est ça la justice des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'éducateurs, d'éducatrices, de psychologues, d'assistantes sociales qui essayent de suivre pendant des mois, des années, des jeunes gens pour essayer de comprendre pourquoi ils sont dans les difficultés qu'ils sont et comment faire pour que les difficultés cessent et ne se répètent pas. D'accord ? Mais c'est d'abord très long, difficile, ça demande beaucoup de moyens. Hein, et dans une société qui a de plus en plus peur de sa jeunesse, qui a le sentiment qu'elle est de plus en plus violente et qui demande de plus en plus, on va reprendre le mot que vous aviez dit tout à l'heure, hein, d'efficacité, de résultats, c'est très compliqué hein, de mesurer l'efficacité de ces prises en charge et il faut beaucoup de temps. Ce que l'histoire nous montre, c'est que la punition, l'enfermement, l'éloignement ne sont pas des moyens très efficaces pour remettre ensuite les enfants dans la société et leur permettre de grandir comme des adultes, comme vous et moi. Au contraire, l'enfermement, l'incarcération conduit les enfants à être dans des relations de force, de pouvoir, de violence et de défiance. Je ne sais pas si j'ai répondu. Les chiffres, on peut les faire dire ce qu'on veut. Vous dites que vous avez 16 personnes qui sont jugées. Ça, c'est pour des crimes graves. On ne va pas envoyer un gamin qui a arraché la chaîne de d'une personne âgée. C'est rarement deux fois même. Quand les policiers les arrêtent, s'ils ont 12 ans, on les laisse deux fois. Laissez-moi juste finir. Et vous parlez des suicides, ça dépend pourquoi l'enfant il se suicide. La fille qui s'est suicidée avant-hier sur le RRC, c'est parce qu'elle a été violée. C'est pas par rapport à elle a été incarcérée ou pas. C'est quelqu'un qui l'a violée, c'est par rapport à ça qu'elle a été violée. Donc quand vous dites il y a 1000 enfants qui se suicident par an, vous voudrez mieux expliquer, il y a beaucoup de raisons pourquoi une personne se suicide. C'est pas juste parce qu'on l'a mis en prison ou pas aussi. Donc, il y a un truc qu'il va falloir recadrer. C'est par rapport déjà à l'éducation, il faut savoir que les académiciens n'ont plus rien à dire sur les programmes scolaires. Que les professeurs choisissent le programme qu'ils désirent. Quand on sait que la scientologie a de la crèche jusqu'à des structures pour professeurs, bac plus 5, médecins, danseuses aussi, surtout toutes petites. Quand on connaît leur programme et qu'ils ont réussi à introduire cette notion dans l'éducation nationale, on pleure. J'ai fait virer un prof ainsi. Sinon, je voudrais expliquer qu'au niveau de l'aide sociale à l'enfance, déjà, un premier ordre qu'il faudrait respecter, c'est tous les enfants qui n'ont pas eu la chance de naître chez nous pour être français. Sont arrivés à plus de 1, 2, 3 ans, mais qui ont vécu toute leur éducation en France, qu'on leur demande en plus d'apprendre la Constitution par cœur, alors que nous-mêmes on la connaît pas et que les Chinois peuvent ouvrir des magasins sans parler français, je dis ça craint. Sinon, quand on est français et qu'on galère dans la rue et qu'on nous fait crever sur le trottoir parce que soi-disant il n'y a pas de place, et que dans tous les hôtels on pourra en dire que je ne dirai pas parce que j'ai du respect pour tous les peuples, est-ce que c'est pas du pain à Le Pen qu'ils ont traduit pour mieux nous niquer, mieux nous introduire dans le vote, que plus personne vote d'ailleurs, et il serait bien qu'on y retourne. Parce qu'il ne faut pas oublier que le droit de vote a été des têtes roulées de ballons, qu'on glissait sur les oreilles avec nos sabots. Le pauvre Renaud, s'il peut nous en faire une chanson, on le remerciera. Donc cette histoire d'enfants et de l'éducation, de l'aide sociale à l'enfance et d'académiciens me gonfle. Parce que d'abord un enfant, de toutes les études qui ont été faites en Europe, c'est les Russes qui ont la meilleure. Eh oui, messieurs, dames, pas en peuple, mais en éducation d'enfants, apparemment, les études le révèlent. Chez nous, un enfant est obligatoirement scolarisé à 6 ans. Tu peux le mettre à partir de 3 ans s'il est propre. Chez eux, un enfant est scolarisé à partir de 6 ans. Si tu le désires, tu peux même le garder un peu plus longtemps. Et il est prouvé que de rester en l'enceinte de la famille et d'apprendre d'abord la vie est déjà un apprentissage tellement grand qu'après les études, il en fait du bonbon par rapport à nos gosses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, alors je suis là depuis de près. J'ai écouté toutes les conférences. Il y a plein de choses très intéressantes, mais alors je m'interrogeais et puis je vais vous donner juste une appréciation sur mes interrogations aussi. C'est que j'ai l'impression qu'on reproduit un petit peu toujours les mêmes choses, des reproductions sociales, où il y a toujours des conférenciers qui sont là pour faire des conférences et des gens qui sont là un peu spectateurs qui écoutent. J'ai envie de briser un peu ça. Et puis ça fait un peu aussi toujours professeur. Professeur maître, celui qui sait, et les autres, les élèves, les apprenants qui posent des questions. Moi, je suis pas ça. Moi, j'ai des positions, j'ai pas de questions. Voilà. Donc, cela dit, voilà. Bon, moi, je suis venu ici parce que l'éducation populaire, ça m'intéresse beaucoup. Je l'écoute. Je viens du Lot. J'écoute de chez moi. Il y a des débats intéressants. J'ai suivi un peu ça. J'ai une tendance plutôt dans l'éducation populaire. Je suis dans la tendance libertaire, quoi. Parce que l'éducation populaire, c'est un peu large. Concernant le sujet de l'emprisonnement des enfants, moi, ma position, c'est que je suis pas pour l'emprisonnement des enfants. Je suis même pour l'abolition des prisons tout court. Donc voilà, ça, c'est une autre position, mais c'est plus radical et ça se discute. Et moi, j'aimerais bien que les débats, ils se discutent sur des positions de chacun. Moi, je parle qu'avec mes petites connaissances, ma petite expérience, ma réflexion et mes lectures. Concernant l'éducation, je suis juste en train justement de lire quelque chose d'intéressant que je vais vous présenter. Je fais une petite promotion, mais il y a d'autres gens et d'autres penseurs qui ont écrit avec elle. C'est Catherine Baker qui a écrit « Insoumission à l'école obligatoire ». C'est pas un livre qui date de hier, ça a été écrit en 1985. Ça a été republié très récemment, mais je trouve ça très intéressant. Non seulement je suis contre les prisons, mais je suis contre tout type d'enfermement, même des enfants. Et l'institution scolaire, qu'on appelle l'éducation nationale, c'est aussi un enfermement. Et ça aussi, ça doit être critiqué. Et ça brise plus l'individu que ça l'aide à se développer dans son humanité. J'entends beaucoup de professeurs et d'enseignants parler, mais j'entends pas beaucoup de critiques à part des réformes. Ça fait depuis que je suis au monde que j'entends parler de réformes de l'éducation nationale. Ça reproduit toujours les mêmes choses, ça reproduit toujours les mêmes inégalités, ça brise des gens à vie, ça juge les gens, ça a une justice aussi, justice punitive, c'est antidémocratique, on n'apprend pas la démocratie, on apprend la soumission, et on reproduit les mêmes choses dans cette société. Et alors, donc je profite, donc c'est Catherine Baker, elle a écrit ça, mais il y a dans la même trempe, il y a des auteurs aussi comme Ivan Illich, très connu aussi, qui a écrit Une société sans école, et il y a d'autres penseurs aussi libertaires qui ont écrit, qui ont été très, très, très critiques et très radicales sur l'institution scolaire, qui à mon avis doit être mise en débat comme on fait aujourd'hui dans la démocratie, parce qu'il ne s'agit pas de proclamer des choses, de dire on est en démocratie, on est en liberté, tout ça je n'y crois pas. Ni même la justice, il n'y en a pas. Voilà. Moi, pour ma part, mais c'est encore une fois, je le mets en débat, mais le monde, il est gouverné par l'argent. Je pense qu'ici, beaucoup de gens le savent. Et même, j'appelle ça par une mafia, la mafia de la finance. C'est tout. Et Hollande, il est aux ordres. Point. Bonjour à tous. Bon, moi, je suis un militant de base. J'ai beaucoup aussi, ces deux dernières années, milité dans l'éducation pour les enfants. J'ai mené un gros combat auprès d'une grande personnalité qui s'est attaquée en fait à l'éducation nationale. Donc, c'était un professeur de français et d'histoire-géographie. Apparemment, on m'entend pas beaucoup. Pardon. Je le dirai après à ceux que ça intéresse. Je vais pas me griller tout de suite avant de parler. J'ai beaucoup aimé la dame tout à l'heure. J'en ai vu certains qui rigolaient. qui parlait pas très bien, mais qui a prononcé de bonnes paroles. J'ai repensé à cette phrase de l'émir Abdelkader, qui disait qu'il fallait considérer la parole prononcée et non celui qui l'a dite. Donc moi, effectivement, j'étais un peu touché tout à l'heure par une des remarques d'une des personnes là qui est autour de nous. Et je pense que l'éducation nationale aujourd'hui, en fait, produit des délinquants. Dans le sens où, moi, à mon avis, ça ne se situe pas pendant le collège, mais avant. C'est-à-dire que les fondamentaux sont plus transmis. Les méthodes d'enseignement ont changé pour des méthodes constructivistes qui poussent les enfants à construire eux-mêmes leur propre savoir, ce qui ne fonctionne pas. La figure du maître, tout comme la figure du père, a été complètement démolie dans la société. Donc les élèves ne sont plus élèves. Ils se retrouvent à égalité avec le professeur. Et donc, en fait, le professeur, on le voit souvent déjà en primaire, mais à la suite au collège, n'a plus du tout d'autorité. Et j'ai côtoyé pas mal de professeurs de collège qui se retrouvent en fait en face d'élèves qui ne le sont plus, qui n'ont plus leur place d'élève, qui comprennent plus où ils sont, qui comprennent plus qui est le professeur et qui n'ont pas les fondamentaux pour étudier en fait, pour approfondir leurs connaissances, parce que les connaissances, ils n'en ont plus en rentrant au collège. Il y a quasiment plus de 35% des élèves qui savent pas lire et qui savent pas écrire quand ils rentrent au collège. Donc je pense effectivement que le problème se situe avant le collège. Donc dès la base des apprentissages en primaire, en maternelle, n'en parlons pas normalement. Moi je considère que les enfants devraient rester avec leurs parents jusqu'à l'âge au moins de 6 ans, s'ils peuvent le faire après, comme l'a souligné une personne tout à l'heure avec le modèle russe, ça serait mieux. Moi personnellement, j'ai pris la décision je suis moi-même papa d'un petit enfant de 6 ans et demi, et j'ai pris la décision face au système éducatif que j'avais en face de moi de garder mon enfant à la maison. Je voudrais souligner que la scolarité n'est pas obligatoire. On peut prendre la décision de scolariser son enfant à la maison. C'est pas trop compliqué. Ça s'appelle l'instruction en famille. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui, et il y en a d'ailleurs de plus en plus qui s'orientent sur cette voie-là face à l'échec quasi total de l'école en face. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai pas eu besoin. Mon fils étant en CP, de 8 heures d'école ou de 6 heures ou 7 heures d'école pour lui apprendre à lire et à écrire. Je l'ai fait en 8 mois à raison de 15 minutes par jour. Mon enfant sait parfaitement lire avec une lecture fluide. Et identique pour le calcul, il en est à la division et à la multiplication en CP. Donc je pense que j'ai pas trop de problèmes vis-à-vis de ça. Et tous les enfants en sont capables. Je suis moi-même issu d'un milieu social qui n'est pas forcément favorable. Je suis au chômage, hein. Je suis pas particulièrement, je loge dans un deux pièces Argenteuil, voilà. Donc je suis pas favorisé dans mon milieu social, je suis séparé, je suis tout seul à éduquer mon enfant, et pourtant j'y arrive. Oui, bonjour. Alors moi je suis pas d'accord avec ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure par rapport au fait que l'école est un enfermement. Enfin, je pense que oui. Mais dans un autre sens, je pense que ça apprend la vie sociale et que peut-être, sans doute même, que c'est bien que des parents, s'ils considèrent que c'est mieux, fassent l'éducation de leur enfant eux-mêmes. L'instruction, pardon, excusez-moi. Mais je pense que, mine de rien, on est des animaux sociaux et plus tard, on devra travailler, on devra être dans la société. Et donc, c'est bien, pas forcément des plus jeunes âges, ça dépend de l'enfant, ça dépend d'un million de choses, mais que sans doute notre structure scolaire n'est pas bonne, mais qu'en tout cas c'est important de favoriser l'insertion dans le milieu social dès le plus jeune âge, parce que sinon je pense que ça sera encore plus important quand après, si l'enfant a été conforté dans une instruction très personnelle, quand après il découvrira que on n'est que des grains de sable et qu'on est tellement nombreux, etc., qu'on est obligé de s'accommoder aux autres et d'être en relation. Et je sais qu'il y a un concept qui s'appelle Waldschule en allemand, je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est des écoles plus ou moins libres où les enfants apprennent, enfin ils sont surtout réunis pour faire des potagers, etc., pour être ensemble à travailler la terre ou des choses artistiques, et on les pousse dans un sens personnel à faire des activités artistiques, des choses comme ça, sportives, etc., des choses qu'ils ont envie de faire, mais ensemble. Et je trouve que c'est un bon concept de compromis. Je suis pas très renseignée sur le sujet, mais il me semble en tout cas que l'école, c'est vraiment important pour apprendre à grandir ensemble, parce qu'après, je sais pas, peut-être le narcissisme, des choses que je connais pas trop, mais je suppose que si on croit qu'il y a que les adultes, et puis l'enfant a besoin, à mon avis, de grandir avec des gens de son âge et d'apprendre à jouer, à faire ce qu'un adulte peut faire, mais pas de la même manière, pas sur un même pied d'égalité. Et donc, effectivement, il y a des failles dans notre système, mais je pense que l'enfant est important et que c'est important qu'il soit confronté à d'autres enfants et qu'on apprenne le respect et les valeurs fondamentales qui sont oubliées, il me semble, depuis longtemps ou qui sont dévoyées, en tout cas, dans le système français. Bonjour, alors moi je voudrais dire deux choses. D'abord, je rejoins un peu ce que tu viens de dire sur la fonction sociale de l'école. Et c'est pour ça que je crois que c'est vraiment au contraire très important d'avoir la possibilité que n'importe quel enfant, quel que soit son milieu social, etc., puisse être en confrontation avec d'autres enfants et puis apprendre la vie en groupe, apprendre la vie collective. Mais surtout, ce pourquoi moi je suis absolument opposée à ce modèle-là d'instruction ou d'éducation, ou tu appelles ça comme tu veux, c'est que si toi tu peux te permettre de faire ça pour tes enfants, c'est très bien, et si tu es, enfin vraiment, c'est vraiment très, peut-être tant mieux, oui c'est un choix, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les possibilités de le faire parce que, tout simplement parce que eux, ils sont pas en mesure d'enseigner quoi que ce soit à leurs enfants. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tout le monde se mettait, admettons, à vouloir scolariser son enfant chez soi, qu'est-ce qui resterait pour ceux qui sont pas en mesure de le faire? Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Et ensuite, moi je suis professeure justement au lycée, et je voulais vous apprendre quelque chose de terrifiant que moi j'ai appris cette année. C'est que je me suis retrouvée au conseil de classe du premier trimestre, en seconde. Et là, on nous a dit, la proviseure adjointe nous dit, à partir de maintenant, on peut plus proposer le redoublement aux élèves. Donc, vous savez, au conseil de classe, l'idée c'est, si un élève, parce qu'il est pas assez, il a rêvassé un petit peu cette année, ou il avait d'autres chats à fouetter, ou il était amoureux, ou il était pas bien, ou il se faisait tabasser chez lui, ou peu importe, il a pas pu avoir un niveau suffisant qu'on attend de lui en seconde, on lui disait, peut-être que ce serait mieux de redoubler. Et puis souvent, ce qu'on constatait, c'était que les enfants des milieux populaires, ils disaient non, il faut pas redoubler. Donc, ils se retrouvaient dans des filières professionnelles sans les avoir choisis. Alors, on peut avoir tout un débat sur est-ce que professionnel c'est bien ou pas, mais le problème là, c'est que c'était du non-choix. Et puis, les enfants des classes plutôt moyennes, plutôt favorisées, pas forcément de capital économique très élevé, mais en tout cas avec un minimum de connaissances culturelles, etc., eux, ils redoublaient justement. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'impossibilité de proposer le redoublement, c'est que ça va renforcer ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en fait, seuls les enfants dont les parents sont en mesure de ne pas avoir peur de l'institution scolaire, bien savoir parler le français ou alors savoir écrire un courrier administratif vont pouvoir demander le redoublement. Parce qu'en plus, la procédure est très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre un rendez-vous avec la proviseure qui rejette la demande de redoublement. Et puis après, ensuite seulement, on pourra demander redoublement. Et tout ça pourquoi? J'imagine que vous avez deviné. C'est à cause, encore une fois, des réductions des finances publiques pour l'éducation nationale. Donc, on veut pas qu'un élève, il reste 3 ans, 2 ans dans le même niveau. On veut qu'au bout d'un an, allez, il dégage. S'il a réussi, tant mieux pour lui. S'il a raté, tant pis, c'est trop tard. Et c'est terrifiant. Donc j'espère que vous pourrez faire circuler cette information auprès des parents pour leur dire, si vous avez besoin, allez voir des professeurs, parce qu'il y en a qui seront prêts à expliquer aux parents comment on fait pour faire cette procédure de redoublement, les aider à écrire les courriers de demande de redoublement, etc., et les soutenir. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Moi, je trouve ça vraiment flippant. Voilà. Bonjour, alors je voudrais témoigner de l'éducation justement. Alors voilà, quand j'étais toute petite, je peux vous dire, et ça remonte il y a très longtemps. Voilà, bon, vous m'entendez là? Bon, ça va. Alors je vais vous parler de quelque chose qui à l'époque c'était très tabou, le racisme et l'éducation nationale. Donc, mes institutrices, Oui, c'était des femmes. Voilà, je trouve que l'éducation est très élitiste, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire que y a des élèves, il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup, j'en connais plein. On a une certaine intelligence, mais si vous ne rentrez pas dans le carcan, c'est-à-dire vous n'êtes pas une bonne matheuse, moi je suis très bonne en français, ça va, mais pour la physique, tout ce qui est les chiffres, je suis nulle. Mais j'ai une autre intelligence, je suis autodidacte, et voilà, on est sur une voie de garage. C'est très malheureux. Des gens qui ont 40, 50 ans, on trouve que voilà, l'éducation en France, enfin je connais rien d'autre, voilà, il y a d'autres intelligences. On est des cancres, mais il y a des cancres autrefois qui ont ouvert des entreprises. Et je voudrais dire, alors je reviens au racisme, c'est que moi, petite, je me suis fait tabasser dans l'école. J'allais m'enfermer dans les toilettes. À l'époque, c'était école garçon, école fille. J'allais m'enfermer dans l'école garçon. Les élèves réussissaient à ouvrir les toilettes. J'étais en retard dans la classe. L'institutrice, elle me regardait. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas vrai. J'étais punie parce que j'étais en retard dans la classe. Autre chose, il y avait un certain négativisme de la part de l'enseignement. Un jour, mon institutrice, elle me dit, non, tu viens de Bali. Je dis, bah non, mes parents m'ont dit que je venais de là. Non, tu viens de Bali. J'étais encore punie. Donc, j'ai dit à ma mère, voir mon institutrice. Alors, elle me mettait de côté pendant les exercices de maths en CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, j'ai eu un retard psychologique, éducatif. Maintenant, il est rattrapé grâce à moi-même. Avec beaucoup d'efforts, j'ai passé le BTS à 46 ans. Donc voilà, et j'aimerais dire au corps enseignant, s'il y en a qui sont dans les hautes sphères de l'éducation nationale, de réagir un petit peu. Je m'adresse aussi au patron, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on est des cancres, qu'on a un savoir-faire. Alors, libérez-vous. Bonjour à tous. Pardon. Je voudrais juste poser des questions à qui de droit, à qui c'est, parce que moi j'en sais rien, mais en fait j'ai entendu parler de pas mal de psychologie, pédagogie alternative du genre, enfin je sais qu'il y a la méthode Montessori, la méthode Freinet, etc. Et je me pose la question, pourquoi c'est pas plus développé que ça, pourquoi c'est seulement des écoles privées qui développent ce genre de méthode. Et bah, c'est cool, si t'as la réponse c'est parfait. Parce que comment? Parce que c'est fatigant. C'est peut-être une bonne raison, cela dit. J'en sais rien. Sincèrement, je pose la question en néophyte complet, quoi. Parce que voilà, j'ai entendu parler. Je lisais l'autre jour un article du Monde, je crois, d'une prof qui a essayé de développer ça pendant un certain nombre de temps avec ses élèves de maternelle. Et ses élèves de maternelle sortaient à 5 ans en sachant lire, en étant au fait de comment ça marche. Écoute, je vais passer le micro en fait. Si t'as C'est Céline Alvarez qui a mis ça en place. Donc j'aimerais juste rappeler, après tout ce que j'entends, qu'il y a quand même des personnes dans l'éducation nationale qui essayent, on essaye de se battre pour mettre, et à voir, nous on fait avec nos propres moyens, pour mettre en place un cadre bienveillant où les enfants... Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, de façon sereine et dans un cadre bienveillant pour essayer que les enfants ne ressortent pas, comme vous avez dit... Alors, il est évidemment pas illettré, c'est notre but, mais aussi surtout pas déprimé et abattu à cause de l'école. On met en place dans des écoles publiques des pédagogies type Montessori, Freinet. Il y a des écoles publiques qui le mettent en place, mais voilà. Après, l'éducation nationale, c'est un gros système complètement rouillé, et voilà. Et quand on les remet trop en cause dans leurs convictions, bah, Céline Alvarez, voilà, s'est fait virer au bout de 3 ans alors que ça fonctionnait très bien. Sauf qu'il y a encore des enseignants qui continuent à se battre contre ça, et on essaie de mettre en chose des classes où on est bienveillant, ils sont sereins, et on leur propose des supports pour apprendre. Voilà. Parce qu'on dit beaucoup que les... Voilà. Alors, simplement, il reste plus beaucoup de temps. Vous voyez, on est en train de déconstruire le camp. Du coup, je vais juste laisser l'intervenante répondre aux questions ou dire ce qu'elle a à dire. À toutes les questions, ouais. et voilà. Non mais justement, on va pas faire le coup de l'intervenante qui conclut, synthétise, répond à toutes les questions, surtout que je suis totalement incompétente pour donner un avis autre que le mien, mais je pense pas que là il ait beaucoup d'intérêt autour de l'école. Ce qui est sûr, c'est que l'école est au centre de la vie des enfants et qu'il explique beaucoup de choses sur les difficultés des enfants ensuite, au temps de l'adolescence et un peu après. Et pour reparler du sujet qui m'importe et la réaction du monsieur qui est parti à partir du moment où l'intervenante n'a plus parlé, hein, quand même. Hein, donc il a beaucoup dit qu'il fallait que tout le monde parle et que tout le monde échange. Mais à partir du moment où les échanges se sont mis en place, il n'est plus là, ce qui est quand même très dommage. À l'inverse de ce qu'il a dit, je pense que je ne voulais absolument pas faire un cours, je voulais juste transmettre des éléments de connaissance parce que tout le monde ne peut pas aller lire des livres sur la justice des enfants et son histoire et que l'éducation populaire, c'est là justement pour permettre la transmission. Et je trouve ça très intéressant qu'on parte de l'histoire de la justice des enfants pour atterrir sur un débat autour de l'éducation, de l'école et de la place de l'école dans la vie des enfants. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie les courageux qui sont restés sous l'orage, je remercie tous ceux qui ont été là et j'espère qu'il y aura plein d'autres occasions sur la place de la République pour parler de tout ça. Merci beaucoup.